Chapitre 7e. Étourdi par cet enchantement si rapide et si imprévu d'événements, Don Blas a tout fait de se ressaisir. Il contemple radieux ce géant impassible, puis avec son exubérance nationale, il ouvre tout grand ses deux bras et se jette à son cou. Et selon la formule mexicaine, il l'étreint vigoureusement, le soulève et lui prodigue dans le dos ses petites tapes d'amitié, palmitas, qui accentue et complète l'accolade au pays de Montezuma. Puis il s'écrie d'une voix que l'émotion fait trembler. « Mr. Jones, nous vous devons la vie !» J'en frémis encore. Nous étions perdus. Sans vous, sans les braves qui vous accompagnent, sans notre vaillant Jean de fer. Le jeune homme répond en espagnol très correct, mais avec cet accent nasal particulier aux Américains. « Si, seigneur, surtout Jean de fer, qui est venu nous chercher et malgré sa blessure, nous a conduit ici d'un joli train. Mais je vous en prie, ne parlons plus de cela. C'est un service que l'on se doit entre voisins. Vous demeurez près de nous ? Yes, sir. Mais pour ainsi dire, en camp volant. Je commande l'expédition pour le chemin de fer à l'étude. Vous savez sans doute, l'American and Mexican Railroad à travers le Mapimi. Nous étions à 50 milles de l'Hacienda, quand Jean de Fer est arrivé au camp nous raconter votre détresse. Nous sommes accourus à temps, j'en suis heureux. Brisé de fatigue, anéanti par la terreur, Doña Laura et Juana lui tendent la main et balbutient quelques mots de gratitude. Avec son aisance froide et courtoise, il s'incline respectueusement et ajoute « Mesdames, veuillez agréer mes hommages les plus dévoués. » Il échange un shake-hand un peu rude et continue brièvement, un homme qui connaît la valeur du temps. « Mais il règne ici un désarroi épouvantable et vous devez avoir besoin de repos. » D'abord un peu d'eau et quelques tortillas, interrompt Don Blas. Nous mourrons de faim et de soif. Goodbye, c'est trop cruel. Vite, au plus pressé. Nous venons avec vous, Harry, s'écrie Jean de Fer, toujours infatigable. L'Américain aperçoit alors près de lui le métis, lui tend la main et dit avec un bon rire. Tiens, c'est Joey. Joey Musketoon. Sans rancune, mon camarade, bien que vous m'ayez quitté un peu vite. Et moi, je suis heureux de vous revoir, Harry, répond le métis. Désormais, vous pouvez compter sur moi. Thank you, my boy. Il salue de nouveau les dames, pivote lestement, s'en va jusqu'à la véranda au bas de laquelle attendent ses hommes et s'écrie « Allô, camarade. Bien que ce ne soit pas votre ouvrage et ne rentre pas dans les conditions de votre engagement, voulez-vous, je vous prie, m'aider à mettre en ordre l'habitation des ladies et du gentleman ?»« Mais certainement, Harry, » répondent quelques voix énergiques et cordiales. « Nous le ferons avec plaisir. » Et malgré l'horreur de ce moment tragique, malgré le besoin qui l'étreint, malgré sa ruine, Don Blas, l'homme de la hiérarchie, du préjugé de caste, de l'orgueil de race, Don Blas demeure abasourdi devant cette égalité, cette familiarité des hommes, parmi lesquels des gens de couleur, et de leur chef, un blanc. Ils abandonnent leurs chevaux et rejoignent Harry. Celui-ci, prêchant l'exemple, se met le premier à la besogne. Ils saisissent les corps des rebelles et vivement les emportent dehors. Puis ils rangent tant bien que mal les meubles culbutés, vont, viennent, silencieux, affairés, déblayent, nettoient, courent à l'eau, munis de leurs seaux en toile, lavent, frottent, essuient avec une adresse, un entrain magnifique. Pendant ce temps, Jean et Joey, avec un peloton de bonne volonté, courent à la recherche des provisions et des boissons. Ils restaurent ceux qui mouraient de soif et de faim, pansent leurs camarades blessés, les installent du mieux qu'ils peuvent, se multiplient, infatigables et dévoués. Le jour est venu. Juana s'était endormie, brisée. Des cris déchirants, couverts de rudes imprécations, l'éveillent en sursaut. On vient de trouver sous la véranda deux Indiens grièvement blessés. Deux géants du Texas les arrachent de leur abri et les entraînent avec cette désinvolture plutôt brusque de gentleman qui manie de la ferraille. Les deux malheureux se sentent perdus. L'un, grand, vigoureux, l'air farouche, insulte les blancs qu'il malmène, leur crache sa haine, son mépris, et entonne son chant de mort. L'autre, plus petit, tout jeune, semble un enfant. Il est vraiment joli, avec ses magnifiques yeux noirs, ses dents de perles, ses lèvres de corail et son admirable teint de bronze clair que pâlit la souffrance. Un de ses bras pend, inerte, brisé par une balle. De sa main valide, il se cramponne à l'autre indien et ne veut à aucun prix être séparé de lui. C'est alors qu'il pousse les cris qui éveillent Juana. Il est vêtu d'une longue blouse en peau de cerf, tannée à l'indienne, serrée à la taille et tombant au-dessus du genou. Un pantalon, également en peau de cerf, avec de longues franges aux coutures, et une paire de mocassins complètent ce costume très joliment décoré de broderies multicolores. En se débattant, une longue tresse de cheveux d'un noir bleuâtre, maintenue sur sa tête par des barbes de porc-épic, se détache et glisse en serpentant jusqu'à ses reins. Bizarre, grogne d'un ton bourru un des Yankees. Ce n'est pas un boy, c'est une Indian girl. Pas d'erreur, c'est une fille, répond le camarade. Qu'allons-nous en faire? Goodbye. Nous allons lui brûler la cervelle en même temps qu'à l'autre. Et pas plus tard que tout de suite. All right. Mâle ou femelle, un peau rouge est un monstre indigne de pitié. C'est comme le serpent à sonnette. Cela tue sans remède et comme à plaisir. Well, faisons de même. Tuons ces vermines sans regret comme sans rémission. Et selon l'implacable et monstrueuse loi du désert, il lève en même temps le revolver et applique le canon sur le front des blessés. L'Indien crache encore une injure. La fillette pousse un dernier cri. Le coup va partir. Juana s'est élancée. D'un geste saccadé, elle écarte les armes et dit haletante : La vie sauve pour eux. Gentlemen, je vous en prie. Ils s'inclinent très bas, remettent leur colt à la ceinture et répondent : Qu'il soit fait comme vous le désirez, señorita. Votre prière est un ordre pour nous. Merci, oh merci de tout cœur. Comme si l'effort terrible qu'il faisait pour mourir bravement eût épuisé ses forces, le guerrier indien pâlit, ses paupières battent. Il donne à l'enfant un regard empreint d'une tendresse infinie et tombe à la renverse. Jean de Fer et Joey ont suivi Juana. Ils devinent sa généreuse intention, sauver les deux blessés, les soigner, les guérir et qui sait, faire pénétrer dans ses âmes farouches l'idée de cette chose exquise et sublime, la reconnaissance née du pardon. Il faut les monter à l'habitation, n'est-ce pas, señorita ? Demande Jean de Fer. Oui, mon ami. Et vous, gentlemen, merci encore. Jean soulève le peau rouge et l'emporte, comme un enfant, sur ses bras d'athlète. De son côté, Joey prend délicatement la fillette, qui ne lui pèse guère plus qu'un oiselet blessé. Il les installe dans la grande salle transformée en ambulance, et Joey, chirurgien improvisé, leur prodigue des soins réellement intelligents. L'Indien a repris connaissance. Il a une épaule traversée par une balle. C'est une blessure grave, mais non mortelle. Pour lui, comme pour Jean de Fer, Joey emploie l'alcool à haute dose, tant pour l'usage interne que pour l'usage externe. Cette prescription originale est certainement inédite là-bas, dans les fastes de la médecine indigène. Elle semble du reste absolument ravir le patient. Il boit volontiers, pendant que son grand œil sombre contemple, étonné, ses blancs, qui, après la victoire, font de pareille largesse à l'ennemi terrassé. Le pansement est vite expédié. Alors Joey demande en langue indienne au blessé qui ressent un bien-être infini. « Mon frère l'homme rouge est-il content? Souffre-t-il un peu moins ?» Il répond de sa voix gutturale. « Oh, mon jeune frère est un grand médecin. Et l'en rapide le remercie. Et l'en rapide est un guerrier brave et un chef glorieux. Il sera bientôt guéri. On lui donnera des armes et un cheval. Et il pourra retourner dans sa famille. » L'Indien croyait bonnement qu'on le soignait ainsi pour lui infliger, une fois revenu à la santé, quelques tortures savamment raffinées. C'est là d'ailleurs la coutume des gens de sa race. N'en pouvant croire ses oreilles, il répond, stupéfait. « Mon frère dit bien la vérité. Sa langue n'est pas fourchue comme celle du serpent. » « Il est vrai qu'il en rapide rentrera. Libre, chez les hommes de sa tribu ?»« Complètement libre, oui, je le jure. »« Oh, mon frère est bon !» Montrant alors la petite indienne, le blessé ajoute. « Et mon jeune frère, le grand médecin, pensera aussi ma fille, Fleur de Soleil. « Mais oui, chef, tout de suite, et de mon mieux. » La petite Fleur sera libre, elle aussi. Elle ne quittera jamais son père, le brave guerrier l'en rapide, à présent devenu notre ami. La fillette, qui entend ces cordiales paroles proférées en son langage, se rassure un peu. Bientôt sa confiance devient absolue quand elle voit, penchée au-dessus d'elle, Juana qui lui sourit doucement et dit au métis « Faites vite, mon bon Joey, je vais vous aider. » « Et toi, Nieta, aie confiance et prends courage. » Elle répond en espagnol assez correct, de cette voix grave, habituelle aux Indiens. « Fleur de Soleil est fille d'un guerrier. Elle sera brave comme son père et l'en rapide. » Très adroitement, Le métis réduit la fracture pendant que Juana fait la contre-extension. Il y a un léger craquement, c'est fait. Joey maintient les deux fragments avec deux planchettes, bourre l'intervalle avec du coton, assujettit l'appareil et naturellement arrose largement la plaie avec de l'aguardiente. La pauvre petite, qui ne compte guère plus de 16 ans, n'a pas bronché, mais de grosses larmes silencieuses roulent dans ses grands yeux aux reflets de diamants noirs. Pendant l'opération, d'ailleurs très douloureuse, son regard s'est arrêté, comme hypnotisé, sur un collier de corail qui orne le cou de Juana. D'instinct, son doigt se lève et s'approche du bijou. Elle sourit d'un air de convoitise naïve et murmure « Oh, que c'est beau! Flore n'a jamais rien eu de pareil !» Vite, Juana le retire, l'accroche à son col de bronze clair et ajoute « Puisqu'il te plaît, je te le donne !» La gamine extasie oublie son mal, rit de toutes ses dents et s'écrie « Fleur de soleil est heureuse, oh oui, heureuse comme elle ne le fut jamais. Elle aime de tout son cœur la belle blanche, si bonne et si généreuse. Fleur de soleil, le joli nom, et comme il te va bien, chère petite. Car tu es éclatante et superbe comme la fleur de pourpre aimée du soleil, la fleur de notre nopale, la plante sacrée. » Épuisée par la fatigue, l'émotion, la perte de sang, l'enfant sourit de nouveau à la musique de ses paroles. Elle lance à Joey un bon regard attendri, prend la main de Juana et doucement s'endort. Pendant ce temps, Mr. Harry Jones a rejoint Don Blas. Il y a maintenant un peu d'ordre dans l'habitation. Le soif et la faim sont apaisés. Les deux hommes peuvent causer à loisir. La présentation s'achève. La scène d'héros regarde avec complaisance la taille colossale du jeune homme et dit « Vous êtes citoyen de l'Union américaine. » Et je connais positivement un gentleman, votre compatriote, qui vous ressemble de façon étonnante. C'est l'honorable Michael Jones, le fameux colonel Jones, le milliardaire célèbre dans le monde entier. Bref, le roi du coton. Seriez-vous son parent? Je suis son fils unique, et tout à votre service, Don Blas. Caramba, roi du coton! S'écrie Don Blas, avec cette déférence que l'homme le plus désintéressé témoigne involontairement au gros coffre-fort. Et je le répète, à votre service. Mille grâces à vous, gentlemen. Vous n'êtes point un inconnu pour moi, car vous êtes un de nos vendeurs les plus considérables et les plus estimés. Aussi, quand Jean de Fer m'a dit votre détresse, je suis accouru secourir un des principaux clients de notre maison. Aujourd'hui que vous n'êtes plus en péril, vous allez sans doute relever de ses cendres l'hacienda et refaire votre industrie. Je le voudrais, hélas, mais... notre maison sera heureuse de vous offrir ses bons offices. Mais vous le savez, je suis ruiné. Raison de plus pour accepter ma proposition. Nous vous devons déjà la vie. C'est là une question de sentiment, qui n'a rien de commun avec les affaires. Si vous pensez $1 million suffisent, mais c'est là une somme énorme! S'écrie Don Blas, stupéfait de la désinvolture avec laquelle ce jeune homme jongle avec les millions. Yes, sir, énorme. Vous acceptez, n'est-ce pas? Je n'ai aucune garantie à vous offrir. Si, votre parole. Et si je venais à mourir? Alors associez-moi pour un cinquième à votre exploitation. Je cherche à m'occuper. J'ai horreur de l'oisiveté. Cette affaire de chemin de fer n'est qu'un prétexte à une dépense d'activité. Allons, acceptez, Don Blas. Et avant 10 ans, nous serons les deux vice-rois du coton. La scène d'héros réfléchit une demi-minute. La tête basse, le sourcil froncé. Il songe qu'il aliène ainsi sa liberté, que désormais il ne possédera plus cette maîtrise absolue nécessaire à son caractère altier, à son orgueil de race, à sa passion immodérée de domination. Mais il pense aussi à cette ruine qui le terrasse, à la honte de la déchéance, à l'horreur de cette pauvreté qui les menace tous. Et puis, enfin, cette proposition du jeune Américain n'est-elle pas de tout point honorable? « J'accepte, » dit-il enfin avec effort, « mais à la condition que vous deviendrez mon associé à part égale. All right, vous avez ma parole. J'ai $100,000 à mon campement. Je vous les offre comme première mise de fonds. Je vous demande seulement le temps de les envoyer chercher. Ils serviront pour les besoins les plus urgents. En vérité, vous me comblez. Y a-t-il désintéressement de votre part après nous avoir sauvés? Ne causons plus de cela, je vous en supplie. » Je suis heureux de vous être utile. Veuillez me laisser tout à la joie de vous obliger. » Ce que le jeune homme ne dit pas, ce qu'il ne s'explique même pas, tant la succession des événements a été rapide et poignante, c'est l'impression profonde ressentie par lui à l'aspect de Juana. Dans ce tragique décor, au milieu des flammes cernées par les égorgeurs, elle lui est apparue comme la plus merveilleuse incarnation de la beauté humaine. La voyant alors près de sombrer dans le néant, il a éprouvé au cœur un choc violent, une émotion terrible, faite d'admiration et d'épouvante. Puis, aussitôt, un besoin irrésistible de se dévouer, de se sacrifier jusqu'à la mort. La victoire assurée, le péril conjuré, cette impression foudroyante, ne s'est point atténuée. Au contraire, Mr. Harry Jones, l'Américain pratique, le businessman, rêve déjà d'être le bon génie qui réparera l'injustice du sort. Il est riche, il est jeune, il est fort. Il protégera cette faiblesse et redonnera le cadre magique de son opulence perdue à cette reine de beauté qui se révèle à présent comme un ange de bonté. Pendant ce temps, Juana et Jean de Fer se sont retrouvés tout naturellement et sans même y penser au chevet de la petite indienne. Graves et recueillis, ils éprouvent un bonheur infini à se sentir l'un près de l'autre. Lui, fier du devoir accompli, tout simple dans son héroïsme qui s'ignore, et d'une timidité d'enfant, à tel point que c'est à peine s'il ose maintenant adresser un mot à celle qui l'a sauvé. Il ne sent plus sa blessure. Il oublie que pendant 40 heures, il a bataillé, galopé, bravé la mort, sans une minute de répit, et savoure avec un recueillement ému cet instant de bonheur qui le paye au centuple. Elle, confiante près de ce grand enfant généreux, intrépide et dévoué, revoit avec un frisson d'horreur cette courte et lamentable épopée, et elle se dit « C'est à lui que je dois l'ineffable joie de vivre. » Alors, il lui semble qu'elle le connaît depuis longtemps, depuis toujours, qu'il est bien cet idéal héroïque entrevu dans ses rêves de jeune fille et que rien désormais ne pourra séparer d'elle ce protecteur si formidable et si bon.